de ses foyers, un Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers, parcourait en pensif, assis au bord des flots, un jour triste et pensif, assis au bord des flots, au courant fugitif, il adressa ses Canada, mon regard lent.